grain de sable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Bienvenue tout le monde à l'émission Le Grain de Sable. Comme vous le savez peut-être, derrière l'émission, c'est l'Association pour une taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Je vous expliquerai pas aujourd'hui c'est quoi tout le mouvement. aujourd'hui, c'est une émission surtout musicale, mais j'ai présenté quelques capsules. En fait, on va parler de situations où la liberté d'expression est sévèrement réprimée. Miss Turquie, récemment, qui a été arrêtée pour avoir critiqué le président. J'ai parlé un peu de la situation en Espagne, surtout en 2014, où ça brasse pas mal, mais que nos médias ne semblent pas trop en parler. Et de d'autres situations comme ça, mais en très bref. En très bref, c'est surtout musical aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a une nouvelle formule pour 2015. La moitié de nos émissions est plus à contenu, avec l'équipe, où on a des interviews, des capsules, etc. Mais l'autre moitié, c'est moi qui anime avec beaucoup plus de musique. Donc, ça permet à l'équipe là, d'avoir environ 2 semaines là, pour bénévolement préparer plus de contenu et d'interviews. Donc, on va commencer à la musique, en fait. La chanson qui suit, ça débute par un texte de Victor Jara, mais lu en anglais par une interprète. La suite de la chanson est en espagnol. Et grosso modo, Victor Jara, c'est un chanteur qui a été assassiné au Chili en 1973 sous la dictature de Pinochet. Dictature qui, il faut le dire, était quand même appuyée par les États-Unis. Et si vous voulez la traduction de la chanson, je vais le mettre sur le site web de l'émission plus tard, vers 16h, legraindesable.qc.wordpress. En fait, je vais donner la bonne adresse tantôt. Alors, on part en musique. Source of the wind, the sun, the water. You who change the course of rivers, you who sow the flight of your soul. Stand up, look at your hands, take your brother's hand so you can grow. We'll go together, united by blood. The future can begin today. Deliver us from the master who keeps us in misery. Thy kingdom of justice and equality come. Blow like the wind blows, the wild flower of the mountain pass. Clean the barrel of my gun like fire. Thy will be done at last on earth. Give us your strength and courage to struggle. Blow like the wind blows, the wild flower of the mountain pass. Clean the barrel of my gun like fire. Stand up, look at your hands. Take your brother's hand so you can grow. We'll go together, united by blood. Now and in the hour of our death. Amen. Levántate y mira la montaña. De donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer. Estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia. justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Rebienvenue à l'émission Le Grain de Sable. Donc, le site internet, en fait, c'est legraindesableqc.wordpress.com. Je vais mettre là les liens vers les articles, les chansons, ainsi que la traduction du bout en anglais qu'on a entendu au début, le texte de Victor Jara. Donc, pour commencer la journée, je fais trois capsules aujourd'hui. Je commence par une qui est plus cocasse. Donc, l'ancienne Miss Turquie, donc vous savez de quoi je parle, là, le concours de beauté superficielle, a été arrêtée pour avoir simplement partagé un poème humoristique qui critiquait le président de la Turquie, c'est-à-dire M. Erdogan. Le poème qu'elle a partagé provient d'un magazine humoristique turc. Elle a repris, c'est un poème qui reprend des bouts de l'hymne national de la Turquie pour critiquer humoristiquement le président. Le gouvernement du président Erdogan récemment a mené plusieurs actions d'intimidation contre les médias pour s'assurer qu'il publie absolument rien de lié à Charlie Hebdo, un gouvernement qui est pourtant censé être laïque. L'important dans tout ça, c'est de faire remarquer que si une personne qui est aucunement politisée comme elle, qui partage un poème humoristique, est accusée du crime grave d'insulte au président, imaginez le climat de peur pour les autres personnes qui critiquent vraiment. La demoiselle a pourtant effacé son message pas longtemps après, quand une amie lui a rappelé que c'était dangereux. Et devant le président, elle a déclaré, et j'aime beaucoup la phrase, « J'ai peut-être cité un poème. » J'aime bien la phrase. Et la bonne nouvelle, si on veut, le 15 janvier dernier, le Parlement européen a condamné les descentes policières et les arrestations de journalistes en Turquie. Dans une résolution adoptée à Strasbourg, les députés européens se déclarent préoccupés par le recul de la tolérance du gouvernement pour les manifestations publiques et les médias critiques, y compris les réseaux sociaux. Donc, il y a aussi de la répression, évidemment, là, sur tout ce que vous dites en Turquie, réseaux sociaux, blogs, etc. Donc, sur ce, on passe à la musique avec la chanson « Ils ont peur de la liberté », chanson de Kenny Arcanan. C'est pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie et Dieu nous a fait libre. Tout va trop vite, là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit, où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères. La haine est trop vive et les médias considérés comme prophètes. À vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert. Là où ça prie la conjoncture, où ça vénère l'économie, où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques, où ça construit sa propre prison par sécurité. Camarades, ils ont peur de la liberté. De sagesse, ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect, mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades, combat le doute, car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons briller nos différences, car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimerais nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au Karcher. Créatures d'argile corrompues pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre, camarades. Ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser, ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la différence, ils ont peur de leur prochain, ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain. Ils sont effrayés, ils aimeraient t'effrayer avec leurs craintes et leurs phobies. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés et ils ont baissé les bras, faisant sauter les murs de ces prisons cérébrales, camarades. Vite donnera raison, le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance est la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant en toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas. Dépend de ton regard, même si pour la paix se monter en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard, même si pour la paix se monter en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas. Mais la beauté de la vie dépend de ton regard, camarade. Méfie-toi, le temps voudrait te corrompre, car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu, camarade. Va où ton cœur te porte, camarade. La vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toutes celles établies. Alors, va où ton cœur te porte, camarade. J'espère que vous aimez cette chanson-là autant que moi je l'aime. Donc, c'est ma capsule principale en ce moment. Aujourd'hui, après ça, c'est surtout musical. Je vais parler de la situation en Espagne et en Catalogne, en fait. Cette dernière année en Espagne et en Catalogne, en particulier en octobre 2014, il n'y a pas si longtemps, il y a eu de nombreuses manifestations populaires. Réellement populaires, je vais expliquer c'est quoi, et réprimées violemment. Donc, c'est principalement au début des gens qui refusaient des mesures d'austérité assez extrêmes. On parle d'environ 50 milliards de dollars en coupures dans les services sociaux, surtout en santé et en éducation, évidemment. C'est là que ça fait le plus mal. Mais les gens luttaient aussi contre des nouvelles lois qui interdisent plusieurs libertés démocratiques. Mais visiblement, les médias de masse en Amérique du Nord ne semblent pas trop avoir couvert la situation. Du moins, moi, j'ai pas remarqué. Et même maintenant, en 2015, la police continue de chercher des prétextes pour arrêter toutes sortes de gens qui sont dissidents ou qui pensent différemment. Donc, il y a eu de nombreuses manifestations en 2014 avec, quand je dis populaire, je dis qu'il y a des familles avec leurs enfants, beaucoup de personnes âgées, retraitées, qui ont eu le courage d'affronter la répression policière. Et je ne blague pas, on parle de personnes âgées, des fois inconscientes sur la rue, qui ont été matraquées. Parce que le régime espagnol récemment a adopté des lois qui interdisent toute manifestation non autorisée par l'État. Donc seules les manifestations permises par l'État sont dites légales, sous peine d'amende énorme, de 30 000 à 60 000 euros, dont pour le simple fait de photographier la police en action. Donc ça vous donne une petite idée. Ça explique peut-être d'ailleurs pourquoi les médias nous en parlent, du moins les médias espagnols de masse n'osent pas trop nous en parler. Donc, un des conflits récents qui a galvanisé le peuple, ça a débuté dans le quartier El Gamonal, parce que la mairie avait interdit aux habitants de se stationner et les oblige à louer un espace de stationnement pendant 40 années. La population, surtout des personnes âgées, en fait, ont refusé collectivement. Mais il faut dire aussi qu'ils refusent aussi c'est-à-dire que le sentiment qu'il faut manifester contre une dérive fascisante du régime espagnol. Suite à ça, les manifestations se sont multipliées à travers le pays, dont à Madrid, avec les pompiers. Les pompiers appuyaient la population et était, même quand il était en service, il pouvait se faire attaquer par la police tout autant. Et dans une vidéo très claire sur YouTube, d'ailleurs, on voit la police à Madrid charger et attaquer tout le monde sur la rue, les trottoirs, dans les commerces, un peu partout, là, n'importe qui. C'est des gens ordinaires, c'est pas des gens masqués, c'est pas bon. Et donc, les gens manifestent malgré tout en essayant d'éviter les coups de matraque. On voit même dans ce vidéo principal, on entend un policier qui explique aux autres qu'il faut frapper les gens seulement quand il n'y a pas de caméra. Donc, en conclusion, ou presque, là, après une semaine de répression violente en octobre 2014, les gens se sont quand même rassemblés devant le Parlement. Vers la fin de la journée, donc quand il y avait un peu moins de gens, la police a attaqué les gens, les médias, la police pourchassait les gens à travers les rues et défonçait même des portes pour essayer de retrouver des gens. Et je rappelle ici qu'on parle pas de casseurs, là. On parle de simples manifestations avec d'honnêtes citoyens. Dans les vidéos, on voit même des pacifistes qui tentent de calmer la situation, mais qui se font attaquer tout autant par la police. Donc, ça a brassé sévèrement en Espagne et ça risque de continuer en 2015. Dans certains cas, on a vu même des gens attaquer des stations de police en représailles. Donc, ça avait vraiment l'air d'un début de guerre civile contre des forces policières qui, faut le dire, servent un régime qui devient fascisant, clairement. Avec la complicité, malheureusement, des médias. Mais je fais un petit rappel historique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, je crois. Le régime fasciste de Franco en Espagne a duré jusque dans les années 70. Les premières élections libres ont eu lieu en 1977, sauf que la transition de la dictature à la démocratie n'a pas été facile, surtout avec une dette énorme envers les banques allemandes. Le gouvernement, donc, le nouveau gouvernement, là, a mis en place des réductions assez importantes de taxes et d'impôts pour faire plaisir à la classe dominante, plus riche, mais ça a mis le pays sévèrement dans le pétrin. Et on a vu naître un grand mouvement appelé les Indignés. Ça, vous n'avez sûrement entendu parler. Ainsi, à la suite de ça, des Indignés, un nouveau parti politique nommé Podemos, qui signifie « Nous pouvons ». Donc, ce mouvement, ce parti politique et ce mouvement sont devenus très populaires. Ils proposent une démocratie participative. Ils proposent des politiques, un système politique qui sont davantage au service des gens, au bas de l'échelle sociale. Donc, en conclusion, je crois qu'on peut souhaiter aux gens en Espagne de continuer cette transition démocratique. On passe à musique. En fait, le reste de l'émission va être plus musical. Je vais vous revenir, par contre, sur une histoire fascinante d'enfants au Kenya, en Afrique, avec la chanson, maintenant, The Fatal Gift, du groupe Metric. Haven't we made enough for a living wage? We accept the fatal gift, a soup stone for our stove and a blindfold for our tears, paying for a living wage. No, it's a deceptive deal. We accept the fatal gift. They hover over where we live. We save enough to go away, enough to reach the coast. Why do we stay paying for a living wage? I know it's a deceptive deal. We accept the fatal gift. Ooh, things you own, they own you. All the things you own, they own you. They give it to me. Ooh, they give it to me. The things you own, they own you. All the things you own, they own you. Belle chanson du groupe Metric, The Fatal Gift. Merci à David Maxime Sanson, ou surnommé Demax, qui m'a le suggéré. Donc là, je pense un bout le fun, croyez-le ou non. Une histoire vraie et positive, contrairement aux histoires que je vous ai contées avant. Ça se passe au Kenya, c'est surnommé Occupy Playground, ou en français, Occupons le terrain de jeu. L'histoire a surtout attiré l'attention parce que la police locale là, a lancé des gaz lacrymogènes sur un rassemblement d'enfants à une école primaire et évidemment, ça a scandalisé les gens au Kenya qui, dans leurs réseaux sociaux, ont surnommé le cas « Occupy Playground ». Du moins, c'est un anglophone qui a fait l'article, je ne sais pas si c'était exactement le mot utilisé. Mais le journaliste donc Gregory Warner du média radiophonique NPR ou NPR a publié cette nouvelle-là le 22 janvier, donc il y a deux jours. Donc, c'est un terrain public utilisé pour jouer au soccer par une école primaire à Nairobi, au Kenya. Mais à la grande surprise, du jour au lendemain, un investisseur privé a décidé de s'approprier le terrain et a fait ériger une clôture. C'était en fait une saisie illégale et selon le journaliste, ça arrive souvent au Kenya. Mais bizarrement, la police parfois réprime les citoyens et citoyennes qui tentent de bloquer ces saisies pourtant illégales de terrain public. Sauf que cette fois-ci, les manifestants étaient des gamins de 8 ans. Donc, lundi dernier, ce lundi, là, les enfants ont décidé de jeter la clôture à terre et c'est là que des policiers en habits anti-émeute sont apparus et ont tiré des gaz lacrymogènes sur les enfants. Vous vous demandez peut-être pourquoi je dis que c'est une histoire positive ou il est positif là-dedans, mais c'est que ça finit bien. Le président du Kenya a dénoncé la situation, bon, ça c'est un détail, mais le policier responsable a été renvoyé, le ministre de l'Intérieur s'est rendu lui-même à l'école pour s'excuser. Et le gouvernement, par contre, dit ne pas savoir c'est qui l'homme d'affaires qui a tenté de saisir le terrain. Mais la bonne nouvelle, c'est que des travailleurs publics sont venus pour réparer le terrain et les enfants ont repris leur match de soccer. L'économie du Kenya connaît une croissance rapide. Les terrains valent cher. Hein? Et dans ce contexte, ce sont des enfants qui ont donné l'exemple de la résistance légitime contre des prédateurs. Et pour suivre la musique, c'est la troisième fois que je la joue, je l'avoue. Mais elle est trop pertinente, elle va trop bien avec le sujet. C'est la chanson « Waving Flag » de Kenan. C'est la version anglophone qui, je crois, est la version originale. Alors, voici. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Fire, give me reason, take me higher,

sur ma flotte, je suis le humain. À Mardi Gras, à Maker des Makes, je suis mon prepaid. Mon sel, il est de pépère, c'est ça que je dis à ma mère. Moi, je suis le Mardi Gras trip, c'est pas excessif. À Paris, célébrer le jour avant le carême. Il faut que tu hausses le barème, de pression, come on. Il faut que tu passes le béton. Les Mardi Gras sont sur un grand voyage. Tu n'as pas à du mourir. Tout pour la nasse. Sortir la soirée, ça sort du couvent. Whirlpool, comment ça flotte, la crème au top. La top down, boy around, ça sort des photos. Et tout le monde se presse, on va laisser faire la messe. Le cul de secours après les filles, ben on va laisser faire ce vie que bien te bénisse. Capitaine, capitaine, boy, à côté, la moine du grand boyer. Vous allez, ça y est, à ça, cause de l'amour. Assez spécial. Vous venez d'entendre une chanson de Pierre Quenders avec chantée avec un chanteur qui s'appelle Jacobus. La chanson s'appelle Mardi Gras. Je crois que ça vient. Je crois que les artistes habitent à Montréal. Si vous écoutez les paroles, un mélange de français, d'anglais, d'africain. La chanson avant, c'était la chanson De la main gauche, chanson classique très connue de Daniel Messia. La prochaine chanson, c'est un peu étrange. C'est une chanson de... Ben, c'est étrange que je joue de Johnny Hallyday. C'est ça que je veux dire. je crois que c'est une chanson qui me semble peu connue, qui s'appelle « Cheveux longs et idées courtes ». C'est une critique, dans le fond, de certains hippies de l'époque qui, en ayant des belles paroles, n'avaient pas nécessairement les actions, des fois, qui allaient avec. Je la trouve intéressante. Alors, voici. C'est Monsieur Kennedy. Aujourd'hui revenait aussi Monsieur Gandhi, soudain ressuscité. Ils seraient étonnés quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter. Et surtout avant tout, d'avoir les cheveux longs, crier dans un micro. Je veux la liberté, assis sur son derrière, avec les bras croisés, nos pères et nos grands-pères n'y avaient pas pensé. Si l'on convient de larmes et de s'en éviter, et bien sûr leurs cheveux étaient pas assez longs, écrire sur son blouson. La guerre doit s'arrêter, assis sur son derrière, avec les bras croisés. Les bonzes du Vietnam n'y ont jamais pensé. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est partir en fumée. Mais bien sûr leurs cheveux ne sont pas assez longs. Crier c'est une honte. Des hommes meurent de faim, assis sur son derrière, avec les bras croisés. Est-ce la solution? Est-ce le bon moyen? En tout cas, les hindous devront s'en contenter. Avant de trouver mieux, leurs cheveux sont longs. Il nous suffisait pour se réaliser, tout en restant assis, avec les bras croisés. Je sais que dans une cage, je serai enfermé. Mais c'est une autre histoire que de m'y faire entrer. Car il ne suffit pas d'avoir les cheveux longs. Fais ton pouce et tu plais. En faisant des discours, faut-il un uniforme pour détester la guerre? Faudrait pour être un homme ne plus chanter l'amour? Faut-il mentir son pain et ne plus être fier? Faut-il pour être libre avoir les cheveux longs, longs, longs, longs, longs? Da da da da da da da da da. D'entendre Vienna Teng. La chanson s'appelle Medea, c'est-à-dire Labyrinthe. Je ne suis pas tout seul à croire que la chanson est probablement ou clairement inspiré du film Labyrinthe de Pan. En tout cas, ça va très bien. Il y a même des gens qui ont fait justement des montages vidéo avec le film Le Labyrinthe de Pan que je vous recommande. Maintenant, la prochaine chanson, Les Ramoneurs de Menhir. Les Ramoneurs de Menhir, groupe assez original qui mélange punk et breton et d'autres styles aussi, là. Je suis incapable de nommer la chanson, c'est en breton, mais je vais essayer là. Breach Histans. Et donc voici les Ramoneurs de Menhir. Je donne un temps, je te wiwa.

de Limoilou. CKRL présente le Geek Contre-Attaque avec Eric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Meur, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'Omnipotent Mikey G. Samedi le 24 janvier 2015. Oh oui! Yeah. Ah, oui il y a du son dans ces micros-là. Il était temps. Plus sérieusement, bienvenue au Geek Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie, comme ça l'a toujours été depuis que je suis là. Pas toujours, même avant. Hein. C'est, je veux dire, c'était pas mon nom en 1538. Là. Il ben... était prédestiné. Exactement. Sur les pierres de Gorgorgonor, son nom et son visage avaient été taillés par les sages anciens. Ouh, oui, OK. Et la prophétie. Non. Et là, vous venez d'entendre mon co-animateur de toujours, Simon Boucher. Oui, bonjour. Moi aussi, j'ai une prophétie pour vous. Je suis awesome. Non, c'est pas une prophétie, c'est une promesse. Faut que tu la tiennes. Voilà, voilà. Ensuite, à la co-animation, j'ai également... Conan Arsenault, salut. Également. Salut, salut, ça vient? Yeah, oui, ça vient. Yes. Très, très bien. Et à la mise en onde, Mikey G en personne. Oui, je ne suis pas un prophète, je suis